Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, pour ceux qui nous rejoignent, je vais réussir à faire pause, voilà. Pour les invités, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est Sophie Lecam. Rebonjour. Rebonjour. Alors, tu seras en concert, c'est ça, le 25 novembre à la Manufacture Chanson. C'est ça. Tu peux nous parler de cette salle parce que je ne connais pas du tout. Enfin, ce lieu, cette salle, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est une salle qui se situe à Père-Lachaise, le métro. Hein. Mmh. T'as raison de préciser. T'as raison de préciser. Et en fait, c'est une structure qui à la fois produit des concerts, mais aussi qui propose des stages, des cours aussi pour les amateurs et tout. Mais ouais, il y a une salle de concert et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais on est une quinzaine d'artistes à être programmés cette saison. C'est que de la chanson française, donc c'est que des gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes et qui écrivent en français. Comme toi, voilà. Finalement. Comme moi. Alors, en début d'année est sorti ton premier EP, Les gens gentils, c'est ça? Voilà, ouais. Et comment est né ce projet? Le projet est né il y a 2 ans environ. On m'a offert une guitare, j'ai appris la guitare, j'ai commencé à écrire quelques chansons. En un mois ou deux, j'en avais 12 et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu. C'est Didier Barbelivien en fait. C'est Didier Barbelivien. Et voilà, et puis du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de les chanter pour voir. Pour entendre aussi. Et pour entendre aussi, et puis voilà, j'ai eu plutôt des bons retours, et du coup j'ai continué, je me suis entourée d'un deuxième musicien, donc maintenant on est 3 sur scène, et puis voilà. Après on a décidé d'enregistrer quelques chansons, et ça a donné l'album dont tu parles. Alors on peut expliquer ce que c'est un EP peut-être pour les auditeurs? Oui, c'est un extended play. Oh là là là. On est bilingue. C'est-à-dire que c'est plus de titres qu'un single, moins de titres qu'un album. En général, c'est composé de entre 4 et 6 titres. D'accord. Alors, tu l'as dit, tu travailles avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu travailles toute seule, vraiment, sur tes chansons. J'écris et je compose toute seule. J'ai la chance d'avoir avec moi Antoine Candelot, qui s'occupe de tous les arrangements. Et sur scène, on est 3. Un pianiste et 2 guitares. D'accord. Et alors, quelles sont tes influences musicales? Mes influences. Ça fait très France Culture. Alors oui, mes influences. Mes influences musicales sont très chansons, quoi. Très chansons françaises. Mais parce que seulement très chansons. Renaud. Hein? Parce que quoi? Dit, mes influences sont très chansons. T'as pas fini ta phrase. Oui, mais parce que la chanson, tout court, c'est pareil que la chanson française, en fait. C'est ah de bon. La chanson. Et c'est... bam. Ah non, ouais. Ça. Hein. Ouais. On comprend rien. Ah, on est fiers. On est fort sur la 7ème compagnie, par contre. Ah oui, ouais. J'ai rien compris, moi, ce qui s'est passé là. Ouais. Alors explique-nous, c'est quoi la chanson? La chanson, bah, pour les gens vieux ou morts, c'est Renaud, Souchon, Brel, Barbara. Voilà, j'ai beaucoup écouté ces gens-là. Et pour ceux qui sont pas morts, parce qu'il faut pas hésiter à aller découvrir les jeunes gens qui font de la chanson française. Il y en a beaucoup qui sont très bien, qui sont trop peu exposés. En ce moment, j'écoute Clio, Baptiste Hamon, Feu Chatterton. Voilà. Chatterton, ça m'a fait. C'est du scotch, quoi, finalement. Et Clio, c'est une voiture. Oh là là. Voilà. Ah, mais je l'ai pas faite, moi, tu vois. Non, à peine. Non, mais... Tu l'as quand même placée au final. C'est clair. Si la classe ne retient pas, ouais, ça me fait penser à du scotch. C'est super vendeur. Alors, quel est ton parcours artistique? Mon parcours artistique a commencé par le théâtre, puisque je suis aussi comédienne. Donc voilà, en fait, après le bac, j'ai fait une licence de lettres et arts. Ensuite, je suis entrée au conservatoire du 9e arrondissement, dans lequel j'ai eu la chance immense. Arrête, tu me gênes. De travailler. Ça me gêne. Avec Arnaud Laurent, ici présent. Ouf. C'est arrivé à d'autres et ils s'en sortent bien. Ouais. Oh, nous on le vit mal avec Florian. ouais. Enfin voilà, et donc après, bah voilà, j'ai surtout fait du parle-nous un peu plus de cette expérience avec Arnaud Laurent. Vous voulez vraiment que je vous parle d'une expérience avec Arnaud Laurent? Le dossier. Non, mais ce n'est pas nécessaire parce que finalement je dois partir. Mais les auditeurs restent, alors tu peux le raconter. On a joué une scène ensemble qui était... Comment ça s'appelait? C'était Les Amoureux de Goldoni. Voilà, de Goldoni, un grand auteur du théâtre classique italien. Les amoureux, et donc c'était une scène dans laquelle on était amoureux, mais on était fâchés, et du coup j'ai montré mes seins pour essayer que ça s'arrange. Alors, t'as vu les seins de Sophie Le Cardinal? Ouais, c'était pour de faux. C'était pour de la fausse. Alors, voilà, donc après j'ai surtout fait du théâtre et du court-métrage, principalement. Alors, et le 25 novembre, alors il y aura quoi sur scène? Il y aura des reprises, des compos, des guests? Que des compos, quasiment. Généralement, je fais une ou deux reprises. Parce que j'aime bien aussi chanter les gens que, voilà, que j'ai écoutés, voilà. Souvent Renaud ou Barbara ou des gens comme ça. Mais est-ce tout que le reste, tu vas c'est faire des... Benabar ou pas? Parce que je sais qu'à une époque tu faisais un peu Benabar. Non, j'ai jamais fait. Ah, tu confonds de Sophie. Non, parce que je sais Benabar. Que nous tu nous le jouais en tout cas. Tu nous jouais, c'est une nous autre sentais. Sophie qui t'a montré ses seins, ça. C'est Non, non, il n'y aura pas de Benabar, non. D'accord. Voilà. C'est bien dommage. Et non, tout le reste ce sera des compos. Très bien. Tu as d'autres projets à venir? Musicalement? Oui. Je serai aussi en concert en janvier à l'Ogresse, le 13. Voilà, pour le moment, c'est déjà tout. Pas c'est, mal. C'est déjà pas mal. J'ai une dernière... Pardon, vas-y. Ah non, non, c'est tout. Je suis avec vous. Je... J'interagis. Elle participe. Elle ça, on le sait, Florian, que t'es avec nous. Ah, on non, d'accord, pardon. Je croyais que mon micro était baissé. Je fais des tests. Ah oui, dernière question. Tu peux nous parler de André Manoukian? Ah, oula. Ah, ah André. Excusez-moi, je rougis. Elle rougit. André Manoukian, alors je sais pourquoi tu dis ça. Oui, bah oui. Parce que j'ai bossé. Si les auditeurs qui nous écoutent s'intéressent un peu et vont fouiner ce qui se passe sur ma page YouTube, ils trouveront une déclaration d'amour adressée à André Manoukian dans laquelle je chante nu, hein, finalement. Oui. Voilà, ça c'est pour donner envie d'aller voir. Ah, il y a un milliard d'auditeurs qui viennent nous rejoindre, qui cherchent à actionner la webcam. Et c'est venu, je sais même pas comment c'est venu d'une connerie pour faire rigoler, je trouvais ça drôle, une chanson. Bah après, parce que j'aime aussi beaucoup en vrai André Manoukian et qu'il me fait rire beaucoup et que je le trouve voilà, charismatique, talentueux, enfin intéressant, et même dans ce qu'il fait pour faire découvrir aussi la jeunesse et tout ça. Et donc voilà, c'est de là que c'est parti. Donc faut aller voir le titre sur YouTube. Déclaration d'amour à André Manoukian. Ouais. Et pour vous savez qu'il l'a vu. C'est vrai? Ah, ah bon? Et alors, t'as eu des retours? Il a vu. Il a répondu. Non. Veuillez retirer cette vidéo de la toile. Oh non! Non, je plaisante. Non, non, il a répondu un grand bleu pour moi. Alors, un grand bleu pour ceux qui ont regardé La Nouvelle Star, c'est que quand les jurés buzzent bleu, ils ont aimé. Quand ils buzzent rouge, ils n'ont pas aimé. C'est cool! C'est trop voilà. Chou. Et ben, allez la voir, Sophie Le Cam, le 25 novembre à la Manufacture Chanson. Et on va s'écouter un de ses titres, c'est Les gens gentils. Ouais! Elle est gentille, ça devrait pas vouloir dire autre chose que ça. Je voudrais rendre à la gentillesse ces lettres perdues de noblesse. Les gens gentils sont ceux que j'aime, ça mérite bien un petit poème. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils ont la tendresse au fond de comme des parts du reste. Les gens gentils sont bienveillants, riches d'esprit et de sentiments. Les gens gentils sont pas cliniques, sont pas pratiques, sont poétiques. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils ont une écoute des merdes des autres sans que ça leur coûte. Les gens gentils ont un regard, un vrai qui regarde avec égard. Les gens gentils ont la beauté des fleurs ouvertes sur l'été. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils à l'intérieur, des fois y'a la candeur qui pleure. Les gens gentils, toute la bêtise, tout manque d'amour, c'est ça qui pique. Les gens gentils à l'intérieur, tant pis ça palpite brut encore. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils, ils font pas